souffle sur nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Remplis nos vies, nos cœurs de ta présence. Encore plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Et c'est pour cette raison que nous t'invoquons parmi nous.